Encore dans la mémoire des images des vendetta, la télé crée des gangstas, trois des types m'ont fait car leur sœur, je guetta, le guetta et les poursuites, au lycée avec une 8-6, je dors devant la rédac, je ne trouve pas de suite. Le monde m'a envoyé en exode comme à Kikwit. Je n'ai plus qu'un autre code, mec, tu sais ce que ça suscite. Beaucoup de boulot, ne pas avoir la tête sous l'eau, ne pas se saouler, oser, mais avoir le culot. Sinon tu sais où tu finis, tu cries Eli Eli. La force et le mental, la douleur punie. La peau porte, la cicatrice de la lame de l'ennemi. Ça ne serait pas arrivé si on était unis. Regarde la rue, juge et tranche. Je n'ai plus le temps pour les ondis. J'ai retroussé mes manches, plus d'armes blanches. Pour mes morts j'ai changé, deuxième manche. Loin des faits divers, j'ai posé mon agressivité sur l'autel pour qu'on puisse y remédier. Regarde la rue. Pour la rue, je plaide pour ma vie, celle de mes proches, potes de galère. Le prince de Bel Air, c'est vrai de rêve. Y'a pas de trêve pour ce qu'ils font, le bis vend du chichon. D'autres passent leur journée à mater les nichons. Des meufs qui passent, repassent dans les rues du quartier. Écartelés, mecs des quartiers voisins, coup de fusil. Pour histoire de thunes, finir au bout du tunnel. Les tunnels, depuis longtemps, certains d'entre eux ont pas palpé. Le gouffre s'approche du trou noir, balance en vie les idéaux, c'est le chaos. L'espoir fait vie, certains des miens y ont cru, sont là et ciao. À qui on croit, quoi, pourquoi je crois, j'accrois la puissance de mes sens. Convaincu que la rue a vaincu mes vains efforts, j'y ai cru. Inculpe quiconque mes forces décuple, victime coupable à la fois, j'ai plus la foi. Cause prosée, laisse les presses briser, brisons les roseaux. Affect prosé, 10-15 heures, j'ai osé s'oser. Les presses pilons qu'on sous-estime et l'impact du pacte avec la rue. Elle hante mon esprit, prend ma vie à vie, du sentiment, c'est le tourment. Du haut de la tour, je mens à qui, à quoi, pourquoi, je sais plus de quoi je cause. La rue a fait de moi un schizo, un bas schizo, un mec qui sait plus à quoi sa vie équivaut. Regarde la rue. Regarde la rue. Après tu me diras. Regarde la rue. Pour un cœur qui bat, vrai je trouve ça beau. Mais notre monde pleure et nos cœurs saignent. On dit pas nos questions. Zéppo, yeux clos, mène aux mêmes réponses. Nos romances, pacte brisé, écoute. J'annonce que même les DGT, les banques nous briseront. Comme ceux qui pensaient nos blues et fistons. Et je le jure, on n'est pas de ceux qui squattent les halls de cité à inhaler les degrés d'alcool pour oublier l'amertume. Dealer tag à griller, je présume. Histoire de thunes, terminer le corps criblé de prunes sans doute. Et teste la destinée des tests de craquer. Tassé comme classé, peut-on s'en sortir par le rap? J'ai ce goût suré qui souille le palais, qui saoule. Et je parie que c'est du même dont parlent les cadets. Très peu de cadeaux pour l'art de la rue. Mais comme la funk, le reggae, la salsa, le rap va percer.